Ainsi se termine ce concert donné par John Zorn le 28 septembre 1989 à Strasbourg, dans le cadre du festival Musica 89. John Zorn saxophone, Bill Frisell guitare, Fred Frith à la basse, Richard Horvitz au clavier et Joey Barron à la batterie. Cette émission ce soir était réalisée avec la collaboration de Marie-Noëlle Barbarin, Monique Talbot, Michel Lindener et Sylvain Jaffray. Au revoir, à vendredi prochain. À vendredi prochain, Franck Mallet, France Musique, il est 1h58.